Salut les rôlistes! Alors, juste avant de vous laisser à votre verlet, un petit message rapide. Habituellement, je suis présent sur les sessions et je m'occupe d'enregistrer un backup des pistes audio au cas où on aurait un souci avec notre bot Craig. Je n'étais pas présent et ce qui devait arriver arriva. Nous avons eu un petit problème avec Craig et vous le verrez dans la session. Quasiment une heure avant la fin, le son va quand même vachement se dégrader. Alors c'est audible, hein, c'est juste en gros les voix des potes, sont un peu métalliques, un peu crachouilleuses, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, bon, c'est pas super agréable. Après, ça reste compréhensible, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, je voulais pas mettre au tas la session juste à cause de ça et vous faire quand même profiter de ce qui se passe. À savoir que c'est une session qui est un peu en décalé de la campagne principale, donc en soi, ce sera pas des informations cruciales qui vont être un peu altérées. Mais voilà, je préférais quand même vous prévenir avant, comme ça, vous savez que quasiment une heure avant la fin, il va y avoir un petit souci. Et il y a eu un autre petit problème, c'est que on a du coup une partie de la session qui est manquante à la fin. Donc voilà, vous l'aurez pas, malheureusement. Alors peut-être qu'un jour, on vous expliquera un peu ce qui s'est passé dans le format de Grenadine, hein, qui remet un petit peu les campagnes au goût du jour. Voilà. Donc encore désolé pour ça. J'espère que vous apprécierez quand même la session. Et écoutez, je vous fais des gros bisous et puis bon avoir-les. Salut! Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Le soleil n'est plus qu'une vague lumière qui rend le rouge de l'écrime sanguine. Excusez-moi. Hop. Vous traversez la dernière rue qui vous sépare de votre objectif. L'un d'entre vous ouvre la marche, les deux autres la ferment. Et entre vous se trouve votre captif, qui n'a aucune chance, s'il tentait quoi que ce soit pour s'enfuir. Alors vous marchez tous au même rythme, n'a pas décidé. Personne n'ose maintenir son regard sur vous. Vous êtes des métropolites en mission, et leur curiosité morbide a comme limite leur instinct de survie. Vous tournez à droite et vous faites face à une étendue infinie d'écrime. Quelques vagues constructions sont visibles au loin, et une traverse, elle aussi bien trop loin pour être témoin de quoi que ce soit. Là où vous vous situez, c'est un morceau de rempart de la ville qui n'a pas encore été restauré. De fait, vous pouvez emprunter les décombres pour accéder à des constructions qui sont à hauteur d'écrime. Et une fois à ce niveau, sur ces morceaux de métal qui ne forment plus que des ruines, qui traînent ci et là, des fuliges et peut-être même quelques personnes sans abri, qui ne vont guère rester en place une fois qu'ils vont réaliser votre présence. Vous êtes alors seul, à la hauteur réellement de l'écrime. Et à vous quatre, trois métropolites et un captif. Vous avez tout un champ de possibilités qui s'ouvre à vous. Et il ne tient qu'à vous de réussir à le faire parler. Alors, dans cette obscure nuit entre la troisième et quatrième journée de la deuxième lune de Sanguine de l'an 1131, je vous pose la question, que désirez-vous faire? Vous pouvez prendre une chaîne, l'attacher et le suspendre. Ou y aller directement à la force et vous-même pouvoir plonger des parties de son corps si vous le souhaitez. Dites-moi donc, quelle est votre méthode? Alors, tout d'abord, il en va de soi que nous avons menotté notre homme. Ou, lié, mais je pense pas qu'il l'accorde dans l'univers des crimes trop. Donc, j'imagine, on lui a lié les mains d'une façon ou d'une autre. Maintenant, moi, on va y aller progressivement, je pense. Un cher collègue, on va pas commencer tout de suite. Enfin, je sais pas quelle est votre méthode. Est-ce qu'on monte crescendo ou qu'est-ce que vous préférez? Moi, je... Déjà, on va y aller crescendo en effet, mais il faut montrer dès le début qu'on est sérieux. Donc, on va directement déjà l'attacher à une chaîne pour lui montrer que à tout moment on va pouvoir le jeter. Bien, Esther, c'est vous là, vous savez faire ça. Faites-le, s'il vous plaît. Je hoche la tête et je m'exécute. Okay. Vous l'attachez, Esther, toi tu prends une des chaînes qui traîne. C'est pas très difficile à trouver des chaînes, hein. Comme dit, ce sont vraiment des ruines. Hein. Et qui plus est, des ruines qui ont comme projet d'être restaurées. Donc il y a quand même des outils, il y a quand même ci et là... des traces de passage de vie humaine qui essaie de maintenir un peu cette parcelle avant qu'elle sombre totalement dans les crimes. Donc tu peux attraper une chaîne si elle est là et pouvoir l'attacher. Tu l'attaches plutôt au niveau du haut du corps ou du bas? Je vais l'attacher au niveau du haut du corps en enroulant la chaîne autour de son torse et de ses mains. Donc en plus d'être de monoté, il pourra pas bouger les bras, donc c'est encore plus angoissant. Même si les crimes bon, lui laisseraient pas grande chance, au cas où il plongerait dedans, il pourrait même pas techniquement nager ni rien. Alors, on est vraiment au degré psychologique, hein. On dit, c'est plus terre à terre comme, comme précision, on est plus là après, mais je pense que ça peut faire son petit effet. Et je pense que je vais quand même aussi passer, si on l'a menotté seulement en main, soit un autre bout de chaîne que j'aurais retrouvé à côté, soit une autre paire de menottes au niveau des pieds, histoire qu'il soit vraiment complètement ligoté en mode sac à patates. Que vous faites tout ça, il va quand même geindre. Vous êtes totalement fou. Pourquoi ça? Je vous ai dit tout ce que je savais. C'est pas ce qu'on pense. Et on va le vérifier. Si jamais vous avez quelque chose à dire, c'est maintenant ou jamais. Vous connaissez notre question. Vous savez ce qu'on va vous poser comme question. Et je vois que vous n'êtes pas en saut. Alors. Si vous voulez vous épargner tout ça, vous en avez la possibilité. Parlez. Mais si jamais vous souhaitez rester sur vos balivernes et nous prendre pour de grands enfants que vous pouvez tromper aussi facilement, eh bien, on va voir jusqu'où vous pouvez résister. Et ne vous inquiétez pas, ça procède. Nous savons toute la loi de notre côté. Alors... parler, plonger. Vous avez le choix. J'ai rien de plus à vous dire. Que voulez-vous que... Je ne vais pas mentir pour m'assurer de vivre. Non, vous allez nous dire la vérité. Bon, Esther, c'est bon, là, je pense qu'on peut commencer la séance. Ok, très bien. Je passe la corde, la chaîne pardon, à laquelle il est attaché au-dessus d'une espèce de poutre ou même si possible une espèce de crochet de boucher qui pourrait être pas loin, dans l'idée de faire une espèce de poulie et de le tirer pour qu'il se retrouve les pieds en l'air tête en bas au-dessus de l'écrime. Et tout simplement en lâchant de plus en plus du lest, il se verrait commencer à se rapprocher du bord. Et du coup non, plutôt l'inverse, plutôt la tête en l'air quand même. Sinon, il va commencer par facilement avoir du mal à respirer, et puis si on le plonge la tête dans les crimes, c'est plus de la torture, c'est un meurtre. Donc, commencer par les pieds, c'est pas mal. Ok. Je sais pas si c'est clair, hein, cette petite poulie. Oui, tout, mais oui, tout à fait. De toute façon, je pense qu'on avait tous ça en tête. Ouais. Il continue à gérer de se débattre, mais une façon de débattre, disons, plus. Pour s'auto-persuader de ne pas se laisser faire que de vraiment tenter quoi que ce soit. Tu l'attaches et le voilà maintenant suspendu à quelques mètres du sol, juste au-dessus cette étendue de liquide corrosif. Il reste silencieux pour le moment, le visage tremblant, mais un regard plutôt persuadé, qui regarde pour l'instant au lointain et qui ne cherche pas à vous regarder, vous. Je le tiens avec mon bras en métal, comme ça je suis sûr que ça va pas. Ouais. Petite question, moi, bah, monsieur. Nous n'avons même pas pensé à vous le demander, mais quels sont vos états de service? Vous avez fait l'armée? Vous êtes un dur? Avant de devenir majordome, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Oui, j'ai combattu pour la défense de Venise, il fut à temps. Je vois. Pas dans les chassiers, j'imagine. Bien. Non. Ce n'est pas ma spécialité. Bien. Eh bien, aujourd'hui, vous allez savoir ce que c'est d'être un échassier. J'espère que vous vous rendez compte de la chance que vous avez. C'est tout de même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, nous allons pouvoir commencer. Alors, pour la formalité, nom, prénom, âge, occupation. Je suis Albert Podor, majordome, excusez-moi. Et il te donne son âge parce que j'ai pas sa fiche sous les yeux et j'ai oublié son âge exactement, mais il te donne son âge. Ok, très bien. Alors, donc, après ces formalités, très cher monsieur, j'aimerais savoir, avez-vous reçu, excusez-moi, la visite d'une quelconque personne pour vous dicter ce récit si bien ficelé que vous nous répétez depuis le début, nous prenant pour une bande de sots, peut-être d'idiots du village, je ne sais pas comment vous nous percevez, mais visiblement vous ne semblez pas nous respecter et accorder la juste valeur des personnes qui nous ont choisis pour faire ce métier et qui pensaient nous flouer d'une façon, j'imagine, astucieuse, mais qui nous saute complètement aux yeux. Personne n'est jamais venu me rendre visite. Toujours, hein, quand il parle, il ne vous regarde plus. Hein. Personne. Pas la moindre visite. Bien. Nous allons établir une petite règle. Pour chaque réponse qui me déplaît, vous allez descendre un peu plus. Esther, je vous prie, pourriez-vous faire descendre notre ami? Je lâche du lest. Tu lâches. Il descend de quelques centimètres. Vous l'entendez retenir un souffle ou un bruit quelconque, mais pour l'instant, il a l'air de plutôt essayer de se contenir que laisser exprimer tout ce qu'il ressent. Combien d'années avez-vous servi Madame Baleati? Je ne suis plus sûr, je dirais une vingtaine d'années. 20 ans? 20 ans, ça fait beaucoup. Vous avez développé une certaine relation avec votre maîtresse. De proximité, sans aucun, en tout bien tout honneur, bien sûr. Je ne fais absolument aucune insinuation sur votre honneur. Mais donc, 20 ans de bons et loyaux services, et pourtant, vous trahissez ainsi cette dame qui vous a tout donné, cette dame qui vous a procuré une place dans cette société, cette dame qui vous a élevé, et vous le faquin, j'ai envie de dire, le petit personnel qui a tout, vous préférez lui planter un couteau dans le dos comme ça et peut-être, je ne sais pas, quelles ont été les pressions qu'elle vous a été subie. Vous allez même quelque part jusqu'à insulter sa mémoire elle-même. Vous en faites une personnage, bien sûr, qui serait morte ainsi. On parle d'une personne qui a été doge, qui avait disposé des plus grandes ressources de toute cette ville, peut-être de toute la toile, et qui possédait les meilleurs médecins, les meilleurs traitements à sa disposition, et vous me dites qu'elle serait morte d'une phtisie comme ça, une maladie qu'on attrape au contact des cutéreux. C'est bien ce que vous affirmez. Je n'ai jamais trahi madame, mais c'est malheureusement ce qui s'est passé. C'est malheureusement ce qui s'est passé. Eh bien, malheureusement, vous allez descendre un peu plus. Et je lâche du lest à nouveau. Je lâche d'un coup sec et je rattrape au dernier moment pour qu'il ait l'impression qu'il fasse un plongeon quasiment entier. Ok. Vous le voyez, toujours pareil, énormément prendre sur lui. Ça se voit que ça l'impacte, mais lui, vous le voyez qu'il fait exprès de retenir la peur, ce genre de choses. Moi, pour ma part, vu que je suis pas intervenu depuis le début, moi, je reste quand même assez immobile, assez stoïque. Je suis aux côtés de Hugo, simplement. Mais au moment où une fois que Esther lui a fait son petit bond, là, je vais juste préciser. Vous savez, ces chaînes sont sûrement très vieilles. Elles pourraient casser à ce moment, malheureusement. Je vais laisser les autres continuer. Ah, très pertinent, très cher ami, effectivement. Ils sont pas à l'abri. Des petits maillons rongés par la rouille, les crimes, peut-être. Peut-être lâcherait-il comme ça, d'un moment à l'autre, on ne sait pas trop. Enfin bref, tout ça pour dire que vous êtes dans une situation précaire. J'espère que vous en rendez compte, tout de même. Et vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Ça, j'espère aussi que vous l'avez compris. Non ? Passons aux choses sérieuses. Où est Madame Baliati ? Sûrement dans les crimes. Il n'y a pas d'autre réponse que celle-ci, malheureusement. Vous allez donc pouvoir la rejoindre. Et donc là, je vais lui donner un coup pour qu'il se mette à faire du balancier en mode tac tac tac tac, tu vois, pour le. Et au plus loin, c'est horrible. Je me mets à jouer le jeu d'Hugo, hein, mais moi je me reconnaîtrai plus après cette session. Mais faut rappeler qu'Esta est dans un état psychologique un petit peu désastreux. Quand il arrive au bout du balancier, je lâche du lest et je remonte juste au moment où il arrive à nouveau vers nous et où du coup il devrait quasiment toucher les crimes. Ok. Oui, que là ça commence à faire beaucoup, même s'il continue à ne pas vous regarder, encore une fois il a le visage tourné vers l'horizon. Vous l'avez entendu pousser quelques gémissements durant ce petit tour. Et lorsque ça s'arrête, vous êtes complètement barge. Je sais pas ce que vous voulez. Oh, Rompel ! J'ai dit, je veux savoir où est-ce qu'elle est. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. Alors, maintenant, c'est votre ultime et dernière chance. Je vous préviens que cette fois-ci, si jamais la réponse ne me plaît pas, cette fois-ci, je ne sais même pas ce qui... Vous savez, je n'ai jamais eu la satisfaction de voir un corps fusionner dans les crimes elles-mêmes. Je n'ai jamais pu avoir ce plaisir. Et si jamais vous avez envie de me donner ce plaisir, vous n'avez qu'un seul mot à me prononcer, vous le savez. Alors maintenant, si jamais vous souhaitez vous éviter ce désagrément, répondez-moi. Qu'est-ce qui est arrivé à Madame Baliati ? Elle est morte. Morte, emportée. Emportée ? Par ? Emportée. Par la maladie. Celle qui l'a rongée. Bien sûr, qu'elle a contacté, bien sûr, c'est bien connu, Madame Baliati appréciait aller dans la mine, à l'usine, pour voir les cutéreux, les gueux, les prolétaires, et bien sûr, embrasser à la tuva n'importe quel ouvrier qui passait auprès d'elle pour attraper la phtisie ou je ne sais quelle maladie. Ça semble parfaitement cohérent, oui, c'est très clair. C'est vraiment... vous avez peut-être pensé à écrire des pièces de théâtre, je vous promets, vous avez un don, ou celui qui vous a dit ça a un don, parce que je vous promets que pour nous, ça nous semble tout à fait plausible, bien sûr, je vous crois, hein. Vous avez déjà mis un pied dans un bagne, parce que, madame, oui. Parce un bagne. Que vous souhaitez vous moquer, mais c'est bien ce qu'elle était, une personne humaine qui n'avait pas peur d'aller dans des endroits sales et insalubres pour rencontrer le peuple, même celui qui était décidé, enfin déclaré comme dissident. Alors, j'en suis premier étonné de ce qui lui est arrivé et premier attristé, mais... Oui, madame... rencontrait... des cutéreux, comme vous le dites. Très cher collègue, je me permets de vous demander votre avis sur la question. Sur notre conduite à adopter. Depuis quand est-elle morte déjà ? Elle est morte il y a 6 ans. Dans 20 jours, ça fera 6 ans exactement. Et en 6 ans, vous n'avez pas fait le deuil. En 6 ans, vous parlez encore d'elle au présent, à plusieurs reprises. Il faut dire que je parle assez peu de madame. Je suis désolé, mais mon deuil est passé dans le fait de travailler pour quelqu'un d'autre. Tiens, parlons-en donc. Cette tierce personne. Hein, si on peut appeler ça une personne, bien sûr. Cette demi-personne, peut-être devrions-nous dire, qui est votre nouveau maître. Comment l'avez-vous trouvé ? Voyez-vous, monsieur de Cuivre est un homme réputé à Venise. Malheureusement, il y a une maladie qui le rend dément et de détruit physiquement. Lorsque monsieur était plus jeune et ayant toutes ses capacités mentales, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, eh bien, il influençait politiquement. Madame l'avait déjà rencontré et de fait, c'est pour cela que je suis la seule personne qui l'a accepté comme majordome pour la mémoire de madame. Je l'ai déjà dit, mais vous avez un don pour choisir les éclopés comme maître. Madame était parfaitement saine et bénigne. S'il connaissait Madame Balici, peut-être que lui aussi, il faudra suspendre après. Autant je pense que ce qui m'arrive n'attristera personne. Je peux pas dire que mes relations soient vraiment... amical avec monsieur de Kiev. Par contre, si lui arrive malheur, ceci n'est bien entendu absolument pas une menace, je ne me permettrai pas, et surtout pas en ce moment même, aussi proche de... Mais disons que les doges actuels de Venise continuent régulièrement à faire appel à monsieur de Kiev malgré son état. Est-ce que vous pouvez... faire quelque chose pour moi, me remonter, me... Bien sûr ! Esther ! Là, je laisse. Et je fais en sorte que ceci arrive pile poil à la limite. Alors, même de l'écrime. Avec tout ce que t'as déjà lâché, honnêtement, ça va être très compliqué si tu relâches un peu de... Bah, je m'arrête pile poil. Dans ce cas, autant ne pas lâcher, honnêtement, parce que... c'est-à-dire que sinon, tu descends de quelques millimètres, quoi. Ça fait pas vraiment une... on l'avait suspendu au-dessus du truc, donc il y avait quand même un peu de... Et puis je l'avais retiré après, donc... En vrai, normalement, je pense que j'avais gardé quand même au moins de quoi descendre encore un petit peu, quoi, genre de quelques mètres. Ok, ok. Il reste silencieux. Bien. Monsieur Baudor ? Oui. Auriez-vous un dernier mot ? Nous excusons, nous avons jusqu'ici négligé les formalités, nous n'avons pas proposé un petit dernier verre, un quelconque dernier désagrément, agrément, avant le grand désagrément, je ne sais pas, mais petite parole, une petite, un bon mot ? Un bon mot, Olavik. Je n'en ai point. Tous les gens que j'aimais sont déjà derrière moi. Ah oui, c'est vrai. Madame Belliati, qui, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, était si bien portante et n'était pas une éclopée. Vous avez continué, juste après m'avoir dit qu'elle était morte d'une phtisie, bien sûr. Les contradictions dans vos récits... Ne saute pas aux yeux, continuez, je vous prie. C'est très clairement du grand art. Je dois dire, je suis impressionné. D'autant plus que nous sommes du même côté. Nous savons que vous savez des choses par rapport à elle, et nous savons que d'autres personnes moins bien intentionnées que nous la recherchent également. Si vous ne le faites pas pour vous et que vous n'avez rien à faire de votre existence, alors faites-le pour elle. Ou pour quelle qu'elle soit la personne que vous protégez. Qui donc la rechercherait ? C'est courir après un fantôme. Madame n'est plus et... Si certains s'imaginent le contraire, oh, croyez-moi... J'en ai déjà entendu, mais... Se parler de quelques vulgaires personnes qui pensent à sa fugue, ce genre d'histoire, tout ceci est malheureusement bien faux. Les fantômes tuent, monsieur. Et en ce moment, ils tuent énormément. Si nous sommes ici, ce n'est pas de la part du ministère, c'est bien de notre part à nous. Nous cherchons à éviter plus de morts. Quel rapport avec madame, je comprends pas. Ce qui s'est passé avec elle est en train de se reproduire. Exactement la même histoire. Une fausse maladie qui conduit à un décès prématuré. Le corps disparaît ainsi que le médecin chargé de l'autopsie. Personne n'entend parler, personne ne retrouve de traces du cadavre qu'on dit avoir jeté dans les crimes. Exactement comme pour votre dame. Et dans les deux cas, les personnes en question sont liées... À ce moment-là, je marque un temps de pause. À quelque chose qui vous vaudrait sans doute une belle petite plongée là-dessous si jamais on vous le racontait. Tu vois, à ces mots, qui se met à fondre en larmes. Véritablement. Petite question. Oui. C'est vraiment un peu débile et insignifiant. Ça fait quoi, des larmes au contact de l'écrim, quand ça tombe dedans ? Eh bien... À vrai dire, pas énormément de réactions, parce que c'est du liquide, hein, et que l'écrim n'est pas purement chaud, il est acide. Et il y a de l'eau, en fait, dans l'écrim de base. L'écrim n'est pas pur, d'ailleurs l'écrim pur, c'est très dangereux. C'est des connaissances que vous avez eues pendant vos études. Et du coup, en fait, c'est juste comme si tu versais un verre d'eau dans l'huile, tu vois, il n'y a pas de réaction particulière. Tu sais juste que les deux se mélangent pas vraiment. Et c'est ce qui se passe, et généralement, tu sais que ce qui tombe finira par être évacué. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu de sel, donc peut-être une mini réaction physique, c'est vrai. Okay. Parce que, mes yeux se concentrent là-dessus pour une raison un peu sans raison. Quelques secondes, si on ne sait pas après, enfin quelques secondes, même une bonne minute, voire deux, lorsque ses pleurs, il arrive à plus les contrôler, Vous le voyez hoqueter et dire doucement alors. Alors c'est vrai. Remonte-le, Vesta. Je le remonte un petit peu. Tu le remontes un petit peu. Je vais profiter du fait que j'ai pas participé tant que ça pour me mettre un peu accroupi pour arriver au niveau de son propre visage, quoi, vu la hauteur à laquelle j'imagine. Je vais lui dire avec un air faussement compatissant, mais qu'est-ce qui est vrai? Fais-moi, Cordylove, un petit test. Toi qui étais tant investi pour ça, de représentation. Je sais plus comment on jette des dés. Tu. Pardon. Putain, il y a des jets dans les crimes. C'est 2d6. Tu ajoutes le résultat et tu l'ajoutes à ta valeur de compétence. Donc 3 en représentation. Okay. Il y a des gens. Il y a bien des jets de dés dans les crimes. Ça nous fait un 7. Ah, c'est pas ouf. Ouais. Je te l'annonce. Tu vois qui pour la première fois tourne le visage vers vous et notamment du coup échange un regard. Tu vois un visage très tremblant, très perturbé. Et les yeux rouges et il te regarde. Je ne sais pas si. Je sais pas si je peux vous en parler. Est-ce que vous le connaissez? À votre avis, qu'est-ce qui m'a fait ça? Et je lui montre mon bras métallique. Tu vois que son visage contracte, puis il lâche un soufflement. Ce monstre, si vraiment vous l'avez rencontré, je ne sais pas si vous êtes chanceux ou malchanceux d'y avoir survécu. C'est lui qui a emporté madame. C'est lui qui l'a tué, qui a fait disparaître son corps. J'ai voulu le chercher, mais il est plus fort, bien plus fort que moi. Esther, remontez ce pauvre homme tout de suite. Je le remonte. Vous le remontez. Ça prend un peu de temps. Jusqu'à le faire sortir du système de poli. Monsieur Baudor, je dois vous présenter mes plus plates excuses. Tout l'or du monde ne saurait excuser ce que je vous ai fait, et dont je suis le seul instigateur et le seul responsable dans ce groupe. Et je tiens à exprimer que vous êtes un véritable gentleman et que vous faites honneur à votre profession, et que si vous avez des quelconques griefs contre moi, je n'en tiendrai pas compte. Nous veillerons à ce que tout ceci soit réparé, je vous le promets. Tu vois que sa seule réponse sera un petit toussement et des sanglots. Je vais prendre dans mes bras. Mon ami, enfin. Un peu de tenue. Traquons cet homme. Pour dire. Depuis bientôt, je ne sais même plus combien de lunes, il a frappé. Et en l'occurrence, 5 lunes. ma mémoire, les vapeurs des crimes ne sont pas très bonnes. Je comprends pourquoi vous avez si longtemps à parler. On va monter un peu. Bref, raconte cet homme sur lequel vous avez enquêté. Que nous connaissons personnellement sous son nom, véritable nom, Bien sûr, tout ce qui est en train d'être dit ici et arrivé n'est jamais, ne sera jamais arrivé. Bref, il n'y a aucune existence, et si jamais, bref, si vous connaissez tout ceci, mais si jamais tout ceci venait être ébruité, aussi nous devrions véritablement vous faire disparaître. Ce qui serait fort fâcheux, étant donné que vous êtes un homme d'une excellente qualité. Mais, tout ça pour vous dire que notre homme a frappé encore une fois, à nouveau, et a assassiné un certain Photius. Photius, un acteur du petit théâtre rouge, petit théâtre populaire des bas quartiers, que vous savez si Madame Belletti aurait pu avoir un quelconque lien avec lui, sachant que c'est un ancien acteur de grande renommée qui a travaillé au Théâtre du Masque, sur, parlons là, du plus haut lieu en Venise pour jouer de ce sublime art qu'est le théâtre. Ce pourrait... Je crois que cet homme est arrivé après la mort de Madame. Arrivé, donc elle sait. Ah, on est quoi? C'est entre guillemets, là c'est moi qui parle, c'est pas un Vénitien, Photius. Il n'est pas né, oui. Donc c'est-à-dire qu'il a FCFC comme, bah, comme vous, pour le coup. Vous avez immigré à Venise à un moment, donc c'est-à-dire qu'il n'était pas en gros vénitien à cette époque. Oui, effectivement. C'est un métier. Vous savez de quand il est arrivé? Vous le connaissez donc? Mon seul repère, c'est ses représentations au Grand Théâtre. Mais je ne saurais pas dire quand est arrivé en ville exactement, mais il me semble que son succès au Grand Théâtre date d'il y a 3-4 ans. Je suis désolé. Quelle était la pièce pour laquelle il est devenu connu? Celle pour laquelle vous souvenez de lui? Je m'en souviens plus, je suis désolé. Je vais vous donner une liste de noms. Tous sont les victimes, et vous allez devoir me dire si vous êtes capable d'établir un quelconque lien entre eux et Madame Baghetti. Là, je vais lui donner des victimes. À chaque fois que tu donneras un nom, son visage se crispera et très rarement finira du coup par répondre que non, il croit pas te connaître plus de lien que ça, enfin pas de lien direct en tout cas. Si ce n'est des fois, c'est des liens directs, comme voilà, si quelqu'un est missionnaire, bah voilà, peut-être qu'elle a pu rencontrer Elena Baletti, mais il y a pas, tu vois, c'est des liens comme ça de, oui, ils font partie de la haussphère, donc ils se sont peut-être rencontrés, mais il n'y a jamais de lien concret qui va être annoncé. Bien. Lorsque nous avons parlé des activités de Madame vis-à-vis du théâtre et vis-à-vis des costumes, vous avez laissé passer le sujet de la métallurgie, de masques en métal. Cependant, ce n'est pas ce dont nous parlions. Est-ce que vous pouvez développer? Je sais pas. Elle avait demandé si elle savait faire et... Il y a au théâtre plusieurs matières, mais le métal est omniprésent, donc lorsqu'on pas de décor, de costume, on parle aussi de métallurgie. Les masses sont quelque chose d'assez commun, et tout comme les parties métalliques dans un décor. Je ne sais pas pourquoi. Bon, là du coup, si mes camarades me regardent, ils peuvent voir que je me décompose un peu et que, au final, ma méconnaissance du théâtre a fait que j'ai accepté de faire toute cette histoire. Et je vais juste faire un pas en arrière et je vais laisser les autres pour continuer pour l'instant, tandis que je vais juste tirer sur ma pipe en regardant ailleurs. Personnellement, je parle pas plus beaucoup, hein. Comme je dis, je le regardais pas dans les yeux avant, je pense que je le regarde pas dans les yeux maintenant non plus. Et Hugo a l'air de bien maîtriser la situation. Néanmoins, si jamais vous souhaitez m'accorder un quelconque support, un quelconque moment quand les questions se tarissent, n'hésitez pas. Si ça, je dirais. J'aimerais m'attarder un peu plus sur le cas d'une des victimes dont je vous ai évoqué, du nom de Marina Azinati. Ce serait à notre dernier jour la victime la plus récente de notre ami, de notre... Non, comment puis-je le qualifier ainsi, de cette chose, de cet homme, de ce monstre. Et... bien évidemment, elle a disparu dans des circonstances exactement similaires de que Madame Baliati. Son corps a disparu, on prétend qu'elle a attrapé la phtisie, pas de médecin légiste, bref. Est-ce que... j'imagine que vous avez dû être interrogé auparavant par d'autres métropolites et par le ministère de la Propagande. Est-ce que c'est le ministère de la Propagande qui vous a demandé, qui aurait établi ceci, cette version, ce corps qui disparaît à cause de la phtisie? Est-ce qu'ils vous ont demandé précisément de répéter cette version, de dire tout ceci? Est-ce que c'est une invention du ministère de la Propagande? Et pour vous dire, nous travaillons bien au ministère de la Propagande, mais bon, vous en doutez bien, les choses sont tellement compliquées. C'est compliqué, disons que madame est vraiment tombée malade et nous soupçonnons que ce soit un empoisonnement, quelque chose comme ça, que le fameux médecin qui s'occupait de son corps, ce fut lui, et nous sommes donc mis d'accord pour juste officialiser que c'était la maladie, non pas ce monstre qui avait pris madame. Je vais refaire quelques pas pour revenir, et je vais demander comment vous le connaissez. Si vous ne l'avez pas vu, si vous pensez qu'il était déguisé en médecin, comment vous le connaissez? Comment vous faites le lien avec cette histoire? J'ai enquêté sur... Je voulais retrouver le médecin et... Et un jour, c'est lui qui est venu à moi. Je m'y attendais pas et je... Il m'a... menacé, il m'a... détruit physiquement et psychologiquement, et j'ai su alors que c'était lui qui était responsable de tout. Portait-il son masque? Oui, et il avait un comme un instrument qui permettait de modifier sa voix, elle sonnait métallique. J'aurais aimé au moins connaître sa voix. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a fait quelque chose de particulier, autre, s'occuper de vous? Non, il m'a juste dit que si je restait sur... Dans son passage, il m'arriverait pire que qu'à madame. Donc elle est vraiment morte. Oui. Oui. Vous mentez. Non, je... On le rejette dans les... Non, ouais. De mon côté, j'ai personnellement rien du tout à dire. Vous auriez pas la moindre information, le moindre souvenir qui pourrait, à votre avis, nous aiguiller d'une manière ou d'une autre. Un détail particulier, une odeur. Quelque chose qu'il aurait dit. Pas tout de suite, mais je dois dire que j'ai un peu du mal à réfléchir à tout immédiatement, mais si un jour, lors de mes nombreux cauchemars, un détail me revient, je vous y ferai part si vous le demandez. Je ne pense pas avoir d'autres questions. Et je vous encourage à les poser si vous avez ne serait-ce que n'importe qui parmi nous. Maintenant, votre cher collègue, comment pouvons-nous réagir, monsieur ? Que devons-nous entreprendre ? Pour répondre à ta question, j'aimerais qu'on se fasse en privé. Oui. Donc en privé, tous les trois, je veux dire. Sans toi, Hugo. Non mais sans lui, donc on va s'écarter de quelques mètres ou en vacances. Enfin voilà, on le laisse un peu à l'aise quand même. Si on sait, voilà, là, on sait qu'il va pas se barrer, donc on peut lâcher le coup d'œil. Et vous savez, El Procedimento a toujours eu un genre de coup d'avance sur nous, à rentrer chez nous lorsqu'on n'était pas là, à déposer des choses devant nos portes, en tout cas. C'est ce qu'on soupçonnait de faire. Et même cette pièce qu'on est en train de faire actuellement, techniquement, d'une certaine manière, c'est lui qui nous a mis dessus. À mon avis, notre bonhomme qu'on a là, je lui donne pas 2 semaines. Oui. Peut-être même qu'El Procedimento est là actuellement, en ce moment même, avec nous, en train de nous observer depuis quelque part. À ce moment-là, je regarde un petit peu tout le décor qu'on a autour de nous, toute la ville. C'est exactement là mes pensées. Pour être n'importe où et les jours de monsieur sont comptés, et c'est tout cela que nous devons, au minimum je pense, de le mettre sous une protection policière intense. Enfin, au minimum, ce serait peut-être le garder chez nous et demander à mettre en faction devant notre porte une escouade. J'ai encore mieux. On récupère les chaînes, on le tire d'un seul coup en le traitant de menteur et de tous les noms, on commence à le suspendre au-dessus du vide et on essaie de trouver une espèce d'angle mort pour interchanger au dernier moment son corps avec une espèce de sac à patates rembourré qu'on aurait trouvé, qu'on jette dans les crimes. Ça aurait demandé un peu de préparation et ça demande aussi de savoir sous quel angle il nous regarde, s'il nous regarde. On peut toujours essayer de trouver un coin un peu plus sombre, un peu plus éloigné, un angle mort, tu vois, pour être sûr au moins qu'ils puissent pas nous observer d'en haut et de limiter en tout cas le champ des possibles. Mais en effet, ça aurait mérité plus de préparation, mais l'idée vient malheureusement d'arriver. Je m'étais pas prêté à ce cas de figure. Mais pour moi, si jamais c'est pas la police ni quoi que ce soit qui arrêtera El Procedimento, c'est à se demander même s'il est pas capable de traverser les murs. Alors je dis pas qu'il sait le faire, ça serait quand même relativement étonnant, mais en tout cas il est capable de passer des systèmes de sécurité que j'avais moi-même inventé et disposé au niveau de ma porte pour empêcher quiconque d'entrer. Et pourtant il y est rentré. On a pu avoir aussi droit à une démonstration d'un affrontement avec lui lors du passage avec le tramway. Vous avez bien vu que si nous, on n'a pas réussi à ne serait-ce que l'avoir stoppé un tant soit peu, enfin, comment dire, techniquement, on l'a stoppé, mais j'imagine que vous comprenez ce que je veux dire. On n'était clairement pas en supériorité face à lui, malgré toute la préparation qu'on avait mise en place. C'est vraiment pas passé loin, alors un petit gars comme celui-là, gardé par des simples gars de voilà, des bleus, quoi. On va juste se retrouver avec 4 cadavres de plus dans quelques jours. Maintenant, pour être honnête, ce type, je suis pas plus attaché que ça. Maintenant, je me rends compte que finalement, notre combat va forcément nous demander de faire des sacrifices ici ou là, mais j'imagine que sa vie pourrait quand même être épargnée et que dans tous les cas, il le mérite. Il nous a bien aidés et ça reste un être humain. Deux choses. Ouais. Tout d'abord, j'aimerais souligner, même si c'est hors de propos, une date qui nous a été communiquée par monsieur, qui est que dans 20 jours exactement, ce sera le 6e anniversaire de la mort de Madame Mallette. Ce serait peut-être là le prochain coup des prochaines fois. Maintenant, concernant tout ce que vous avez dit, bien, je ne me verrai pas, même si la table ça a l'air efficace, renvoyer notre homme tout seul chez lui, sans aucune protection. Peut-être après tout, nous pourrons prendre ce pari. Et supputons que le Prodicimento ne sache rien de tout ce qui se passe ici. Que je pense être très peu probable. Et peut-être qu'alors, que lui mettre une protection policière, ça aurait pu le condamner à mort. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit très probable. Et je ne me verrai pas de renvoyer le prendre sans protection. Bon, mais en voyant lui quelqu'un dans son manoir là pour le garder, de manière, s'il est toujours en vie depuis autant de temps, c'est qu'il avait pas grand chose à dire. Et Procedimento a jamais laissé derrière lui quoi que ce soit qu'il voulait pas contrôler. Ou bien une autre solution serait, comme il a pu déjà arriver par le passé, d'après certains dire, nous pourrions l'évacuer tout simplement de cette ville et lui donner de quoi refaire ailleurs, faire des traverses dans une autre ville, notre cité. En supputant que l'influence du Prodicimento s'arrête aux murailles de Venise. Autant aller lui demander. Allez, pour l'étiver dedans ? Non, à notre bonhomme, ce qu'il veut faire. Ah. Ou bien peut-être est-il les pour l'étiver dedans ? Juste on jette dans les crimes. Dans le doute. Lui demander est une bonne chose à faire, oui. Ouais. Bon, bah, du coup, je vais quitter la petite discussion, je vais aller me rapprocher de lui. Je vais lui dire... Est-ce que vous voulez une garde rapprochée dans les jours à venir ou est-ce que vous voulez quitter la ville ? Je resterai ici jusqu'à mes derniers jours. Vous êtes sûr ? Vous vous rappelez de ce qu'il a dit quand même ? Un sort pire que celui qu'il lui a réservé. Je pense que le fait que je sois en vie est déjà un sort pire. Alors, je resterai fidèle à Venise. Puis je là, vous êtes pas vous voulez pas qu'on vous jette dans les crimes, ce sera sans doute plus clément de notre part. Alors, je pense que... Je pense que vous saurez, lorsque vous aurez mon âge, ce que c'est que vivre avec des blessures. Ça ne vous rend pas suicidaire. C'est vous qui voyez. Bon, on mettra des gens pour vous protéger au moins pendant les prochains jours. Ok, je te remercie. Une dernière chose avant qu'on se sépare, j'imagine. Est-ce qu'il y a des festivités quelconques, un événement, peut-être familial, quelque chose à propos de cette fameuse date des bientôt 6 ans de la mort ? Non, quelconque. Le ministère n'a jamais rien fait dans ce mouvement-là et sa famille. Oui, sa famille s'est réunie, mais c'est tout. J'en ai fini avec cette histoire, moi. Bien. Nous allons vous raccompagner jusqu'au domicile de Monsieur de Cuivre. Puis, d'ici là, attendez la protection policière avant de sortir et de faire quoi que ce soit. Tu vois qui acquiesce. Vous allez donc le raccompagner chez lui. Et après ça, sauf indication du contraire, il sera peut-être temps de retourner faire un petit tour au moins en QG, voir si vous avez des choses en attente, ce genre de choses. Il va falloir retraverser une partie de la ville. Hein. Et... je vais vous demander donc, un peu globalement, pour résumer un peu toutes les discussions que vous avez pu avoir, parce que le temps de marche étant assez grand, vous avez clairement le temps de leur discuter. Donc, on va plus ou moins en fait résumer un peu toutes ces discussions que vous aurez pu avoir, peut-être partie de bribes à gauche à droite, pendant tout pendant toute la marche. Pour voilà, juste voir un peu là maintenant, si vous avez envie d'en discuter, voir. Voilà. Donc je vous laisse discuter sur où vous en êtes, sur l'affaire Procimento, etc. Moi, en tout cas, une fois dans notre petit foyer, je vais juste m'installer sur un siège et je vais sortir mon espèce de pelote de laine et je vais jouer avec les fils par frustration et juste s'ils veulent parler, ils vont parler. Mais voilà. Il est évident que je suis extrêmement frustré de ce qui pour moi est une fausse piste totale pour laquelle on a torturé un homme pour rien. Donc, si vous voulez parler, parlez. Il a mangé la gueule. Je sais pas trop, non, j'ai. Moi, de mon côté. En fait, j'ai pas forcément partagé le sentiment de Kornilov déjà, et. Donc, je. De mon côté, on va faire comme si de rien n'était, quoi. De même, je suis. Plutôt même. Je dirais pas heureux, mais. Une certaine satisfaction. De pas d'avoir fait d'avoir pu bien sûr apprendre que il avait été en contact avec le Procimento et que donc notre théorie concerne comme quoi bien sûr et donc que tout ceci était très utile et donc que nous devrions à l'avenir utiliser de telles méthodologies qui ont fait leurs preuves dans le cadre de cette enquête rondement menée me pousse donc à établir une liste qui serait celle des potentielles victimes d'Il Procimento, à savoir sur premièrement Klimt, peut-être voudra-t-il achever son travail inaccompli, deuxièmement Monsieur Bodor, oui, Monsieur Bodor, et Monsieur de Cuivre, donc qui sont pour le moment les trois principaux personnes que je vois principales, pardon. Si vous avez des suggestions, je vous écoute. Pas de mon côté, paradoxalement, j'aurais peut-être besoin de prendre un petit peu de temps pour moi pour réfléchir à deux trois trucs. On est de nouveau perdu, avec aucune piste que je ne vois en tout cas. Comme quelques jours auparavant. On a quand même fait une certaine avancée, mais oui, c'est vrai que il y a forcément des choses auxquelles on n'a pas encore pensé. Là, c'est tout chaud, c'est tout. On n'a pas fait d'avancée, aucune, et on n'a fait aucune avancée. Réfléchissez juste un minimum. On n'a même pas le début d'un profil de victime ou quoi que ce soit. Jusqu'à présent, on pensait que c'était que des riches, que des gens avec deux secrets. Et là, on a Maria Azinati, Madame Personne ne connaît qui meurt et qui après réapparaît sur le devant de notre porte pour avoir laissé un mot et un masque et puis après redisparaît. Et a priori, l'autre qui avait avant Baletti, elle est vraiment morte. Et on nous dit de la trouver. On a plus reculé qu'avancé. Qu'est-ce qui était décrié sur ce mot ? C'est que d'un point de vue purement enquête, je suis plutôt d'accord avec Kornilov, mais j'ai comme cette impression d'en avoir appris peut-être un peu plus sur il procedimento. Oui, de même. Je pense, très cher Kornilov, que je ne sais pas pourquoi vous semblez ne voir que... Enfin, ne pas voir toutes les avancées que nous avons faites, car nous avons fait des avancées, effectivement. Nous en savons plus sur il procedimento, nous en savons plus sur... Enfin, tout ceci, bien sûr, nous n'avançons pas. Je le concède. Mais ce qu'est-ce qu'on a appris ? Qu'est-ce qu'on a appris sur les procedimento ? Qu'il était violent ? On a commencé à enquêter sur lui pour un meurtre. Et nous avons appris énormément de choses. Nous avons appris qu'il serait peut-être doté de pouvoirs, je ne sais quoi. Enfin, bref, toutes ces choses étranges. Peut-être. C'est un espèce de fou, un dissident qui fait référence à cette pièce. Donc cette pièce, il me semble que nous avons une piste à creuser. Au contraire, vous dites que nous n'avons qu'une piste, nous devons nous renseigner un peu plus. Je comptais bien sûr me rendre au théâtre du masque pour, enfin, ou si quelqu'un veut interroger Monsieur Bonnet à ma place, je suis absolument. J'avais oublié Monsieur Bonnet. Ouais. Tout simplement dire. Nous avons quelques pistes encore, je pense que vous êtes trop pessimiste. Et d'ailleurs, pouvez-vous me remémorer qu'est-ce qui était écrit sur ce mot ? Il Prodicimento n'avait-il pas donné méchance sur le masque ? Vous savez, non, attendez. Dernier mot qu'on a eu. C'était il vous reste peu de temps, trouver EB, Elena Baletti. Sauf qu'il l'a tué. Nous l'avons pas, nous... Oh, quelle bande d'imbéciles. Nous aurions dû évoquer ce mot. Monsieur Baudor, peut-être, aurait pu-t-il nous dire quelque chose ? Dire quoi ? On lui a déjà dit qu'on pensait qu'elle était vivante. Et peut-être aurait-il eu un déclic, que sais-je ? Vous voyez bien que ce pauvre homme est perturbé. Toujours en est-il que ce n'est pas avec un état d'esprit pareil que vous, Kornilov, que nous allons faire progresser cette enquête. Bien sûr, je ne vais pas vous apprendre les cours que nous avons dû apprendre par cœur, mais une enquête, ce sont plein de petites pièces d'un puzzle que nous assemblons. Alors, si le puzzle fait 100 000 pièces, eh bien soit, avant de pouvoir voir se dessiner quelque chose, un profil, eh bien nous allons devoir rassembler quelques milliers de pièces. Et c'est la mission qu'on nous a confiée. Et pour ça, nous avons tous les pouvoirs et moyens inimaginables. À part de fouiller dans les archives du ministère de la Propagande, mais enfin, les véritables. Bref, c'est une autre question. Allez donc enquêter, enfin, allez parler à ce monsieur Bonnet, a priori, qui vous aime bien, si je me souviens bien. Je ne vois pas non, ce qui vous a fait. Ça nous mettra en avantage et de toute manière, de mon côté, j'ai toujours mon petit point de rencontre à aller vérifier, voir si je peux chercher des informations sur des poisons, ce genre de choses qui provoqueraient des fausses morts. Eh bien, vous voyez, nous en avons des pistes. Enfin, Et puis, concernant ce que vous prenez, je pense que c'est Esther qui devrait y aller, car je suspecte que Monsieur Bonnet serait en vérité hétérosexuel. Car, voyez-vous, je suis sûr qu'il préfère les femmes. Donc, ma présence là-bas ne serait en aucun cas un quelconque avantage. Et la présence d'Esther le serait complètement. C'est assez courant dans ces métiers du théâtre, vous savez. voilà ce qui va se passer. Donc, comme dit, vous êtes rentré au QG, vous avez fait le point, vous avez discuté tout ça sur le trajet. Et le temps que vous rentrez, on est déjà le cinquième jour de la deuxième lune. Hein. Et alors que vous vous mettez, du coup... Cinquième ? Ouais, parce que la torture a eu lieu entre la... Enfin, dans la soirée, entre la troisième journée et la quatrième. Et le temps de rentrer, comme je l'ai dit, à l'aller, vous avez mis un jour et demi à cause de la tempête. Là, la tempête est un peu plus calme, mais vous avez quand même, du coup, une bonne journée de marche pour rentrer chez vous. Donc, vous rentrez à la cinquième journée. Vous allez donc mettre tout ça à plat, vous rentrez au QG, vous vérifiez que vous n'avez pas eu de missive ou ce genre de choses. Et naturellement, vu que vous êtes rentré très, très tardivement, il va y avoir un petit temps de pause avant d'enchaîner, parce que vous ne pouvez pas juste être en déplacement H24 et ne... il faut quand même une petite demi-journée au QG, pouvoir souffler, se mettre d'accord sur qui va faire quoi, etc. Ça fait partie de l'organisation, et vu l'immensité de la ville, vous êtes obligé d'avoir ces petites étapes à chaque fois, parce que sinon, vous deviendrez peut-être très rapidement fou d'être toujours en déplacement. Donc pour l'instant, on a deux pistes, c'est Monsieur Bonnet et la petite rencontre pour Kornilov. Et ça tombe plutôt bien, parce que le sixième jour... Alors que vous partagez, comme très souvent, un petit déjeuner. Je vais te poser une question, la même question d'habitude, des pensées, mais cette fois, j'ai un peu la généraliser au groupe. Avec ce qui s'est passé, quelle est un peu l'ambiance dans le groupe en cette matinée du sixième jour, de cette deuxième lune ? En sachant qu'il y a eu un petit temps de repos, donc vos personnages ont le temps de prendre un tout petit peu de recul sur ce qui se passe. J'aimerais un peu savoir ce que... dans le sens ambiance, c'est genre, est-ce qu'il y a quelque chose un peu pesant ? Est-ce que vous, au contraire, ça pour l'instant, on n'en parle pas, ou au contraire, on en parle et ça pose pas de problème ? Enfin bref, je veux juste savoir un peu l'ambiance, en gros, comment, enfin, est-ce qu'il y a une répercussion au niveau du groupe pour l'instant, ou est-ce que ça va ? Bon, je sais que c'est au niveau du groupe, mais en tout cas, à titre personnel, Hugo, il semble un peu s'enivrer de tout ça, et il a un peu l'orgueil de se dire, voilà, moi j'ai le pouvoir de faire tout ça, je suis tout puissant, personne ne fait rien contre moi. Donc il bombe le torse, et en tout cas lui, il évoque avec fierté tout ce qui s'est passé, et le succès de tout ça, de tout ce qui est arrivé, et donc, grâce à tout ceci. Et donc il ne manquera pas, bien sûr, de l'évoquer. Enfin, peut-être pas, non, c'est vrai que... Non, peut-être qu'on va falloir qu'on parle. Pas que ce soit très choquant, mais de ce qu'on a appris, ça permettra de trop gêner notre supérieur, peu que nous cherchions sans trop chercher. Bref. En tout cas, Hugo, lui, ça ne lui pose aucun problème, et il adore en parler, et il dirait peut-être que la prochaine fois, nous pourrions... C'est des genres de choses... Merci. Et du coup, comment ça réagit de l'autre côté ? Moi, pour ma part, Kornilov est très dans la même ambiance que ce que j'ai indiqué juste avant. Hein. C'est-à-dire que Kornilov est très dans un mélange d'une espèce de dépression et de grosse frustration qui se sent. Parce que, en effet, il manque pas de le faire remarquer à Hugo à chaque fois que Hugo se met en avant, c'est que ça n'a servi à rien. Et que, du coup, voilà. Et ça gêne énormément Kornilov, du coup, qui fait preuve de beaucoup de zèle depuis le début de cette enquête, depuis la geste 1. Et qui, là, du coup, était prêt à aller jusque-là pour trouver des informations, et au final. C'était c'était passer la ligne de la morale sans gagner quelque chose en retour. Voilà. Esther, tu veux rajouter quelque chose ou... Non. Non, c'est bon. De mon côté, l'esprit est presque complètement sorti de l'enquête pour le moment. Et je pense plutôt à d'autres trucs, donc je reviendrai après. Donc, en cette matinée, où l'ambiance, en fait, est plutôt commune dans le groupe, de ce que j'ai compris, malgré le fait que voilà, il y a ce petit désaccord entre Hugo et Kornilov, il n'y a pas de... Voilà, ça ne va pas créer plus de problèmes que ça, en tout cas, au niveau du groupe. Individuel, il semble que ça touche plus Kornilov. Et... Mais tout simplement, vous entendez, alors que vous partagez votre petit déjeuner, le heurtoir, frapper votre porte à trois reprises. Mais je vais ouvrir. Ok. Je sais pas. En même temps. Vous pouvez y aller en même temps. Du coup, qui y va? Ok. Hugo, tu descends les marches et tu arrives au niveau de la porte d'entrée. Quand tu ouvres, c'est un petit jeune homme. Tu le vois assez rapidement, il s'agit d'un messager, comme on peut en commander très facilement pour très peu de sous. Il tout saute un peu en disant « Excusez-moi, vous êtes Kornilov et ses amis ?» Oui, c'est moi, Kornilov, monsieur, vous pouvez me donner ce papier. C'est son ami. Bien, je n'ai pas de papier, c'est un message, c'est pour vous dire que Oleg souhaitait vous inviter ce soir même, si pour fêter fêter leur collaboration. Kornilov et ses amis doivent être là. Eh bien oui, c'est une invitation. Enfin bon, moi, enfin c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire que de ce que j'ai compris, Monsieur Oleg veut faire une fête avec vous et du coup il invite Kornilov et ses amis. Il m'a dit vous invitez Kornilov et ses amis. Très bien, ben Monsieur Kornilov ici présent sera là, oui, avec ses amis. Oui, et qui donc ce Oleg, si vous voulez bien. On en parle après. Tu peux repartir, bonhomme. Merci. Je peux avoir mon sou de deuxième partie de livraison. On claque la porte là. Ouais, je vais lui en donner deux même. Ouais, tu lui offres deux sous. Mais laissez-moi payer. Ce message m'était donc adressé, enfin. Ouais, allez-y, quand il y a. Ok. Hugo, tu payes des sous. Bon, après, les sous, hein, vraiment, pour... encore une fois, vous êtes payé en liche, donc le sou ne représente pas énormément, parce que le sou, si mes souvenirs sont bons, c'est même en dessous du hurl, donc c'est vraiment la petite monnaie de base. Et vous êtes sur un messager, voilà, qui prend pas énormément, c'est juste, ouais, il faut un petit sou à la fin pour valider, quoi. Et bah, il vous remercie. Bonne journée à vous et bonne fête, hein. Et vous le voyez qui descend, tout joyeux. Attendez. Oui. Bonne fête de quoi? La fête avec Oleg, oui, ou Yann aujourd'hui? Non, fête ouais. D'Oleg, il vous invite. C'est bon. Ah, d'accord, au revoir. Il y avait une fête d'un autre concert, on aurait dû mettre une protection policière. Ou... c'est pas bref. Tellement de concerts dans cette ville. C'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment. Oui, donc expliquez-moi. Vous avez vu d'ailleurs, comme je vous ai incarné à la perfection, cet homme, il n'y avait que du feu. Ah, et incroyable. Les grands talents d'acteur dont je dispose. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai toute une série de tenues. Si vous voulez ce soir m'incarner. Pourquoi pas, mais qui est donc ce Oleg, Oleg est une connaissance sympathique que je me suis fait. Dans mes premiers jours depuis que je suis arrivé à Venise, pendant que nous apprenions encore à être métropolite. J'imagine un très distingué gentilhomme qui doit venir du Lansk comme vous. Évidemment, un fier compatriote qui sait y faire et qui est très utile. Il nous a déjà beaucoup aidé en réalité sur l'affaire et Procedimento et d'autres pour ce qui est de mes compatriotes. Bien, il me tarde de rencontrer ce personnage sans doute de bonne famille. Oui, on peut dire qu'il s'est même créé toute une nouvelle famille depuis. C'est donc aussi un patriarche. Incroyable. Je vois que cet homme collecte toutes les qualités du monde. Et donc, oui. Qu'est-ce pour nous ? Enfin, qu'à la soirée, enfin, le temps de nous y rendre, il sera bien déjà de soi. J'imagine qu'il nous a donné l'adresse de la fête, même si on l'a pas dit verbalement. Oui, tout à fait. Ça se passe au bar du Hurleur. Ah oui. Ça va se passer. Ouais. Je vais y aller justement. Attendez, ce Oleg. Nous allons. Oui. C'est Oleg là. Oui. Je dois aller voir Monsieur Bonnet. Ah oui. Non, je sais pas. Il va falloir faire un choix. Après, pour rappel, le bar n'est pas en très basse ville. Hein. Il est comme vous, il est plutôt haut dans la basse ville. Pour rappel, pour le contexte, parce que je sais que c'était. Ce n'est pas un session. Petit jet d'escalier en dessous de nous, vous savez, ce n'est rien. Bon, très bien alors, je vous accompagne. Parfait. Vous venez aussi, Esther ? Bien sûr. Eh bien, génial, on va bien s'amuser. Après tout, ils ont demandé Kornilov et ses amis. Il faudrait au moins qu'on soit deux, en plus de Kornilov. Tout à fait. Avant d'y aller, est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose rapidement, un petit truc avant de partir? Selon vous, vous avez un peu de temps devant vous, avez en gros la matinée en gros. Donc vous pouvez quand même faire un petit truc avant d'y aller si cela vous chante. Bien, je vais me préparer une petite plaque de cuivre des étampes. Peut-être que j'aurai pas le temps de l'étamper, mais j'aimerais donc noter ma liste potentielle de suspects, enfin de victimes potentielles. Voilà. Mais donc au moins je me prépare si jamais j'ai pas le temps, ça peut prendre du temps. Ok. Esther, est-ce que tu veux faire quelque chose pendant la matinée? Est-ce que j'ai le temps d'aller faire un petit combat? Je crois pas. J'avoue, en matinée, mais par contre, tu pourras y aller après la soirée. Ok, parfait. Esther qui se présente à la soirée avec le visage balâtré, complètement éclaté. J'ai cassé la gueule un type et j'en reviens. Pardon. C'est juste l'image qui me fait mourir de rire. Oui, non, mais ouais. Ça avait l'air short dans la matinée, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plus le truc, tu sais, c'est Fight Club, quoi. Ambiance de nuit, un peu cachée, quoi. C'est genre le matin, ils vont te regarder en mode qu'est-ce que tu fais ici. Ils sont juste en train de donner le sang à la merde, Ok, bah, Kornilov, pareil, petite question. Est-ce que tu veux faire un petit truc avant d'y aller? Je pense que je vais. Attends, je suis en dilemme avec moi-même. Déjà, une chose que je suis sûr de faire, c'est que je vais me chercher quand même des habits qui restent dans le style Kornilov, mais qui sont quand même assez sympas, tu vois. Ouais, ok. Je sais que je vais pas à une grosse soirée parce que c'est au bar du Hurleur, mais je veux dire, quand même quelque chose qui se présente. Très bien. Oui. Et pour ce qui est du reste, il serait peut-être temps. Ouais, il serait peut-être temps d'introduire quelqu'un. Je vais voir si je peux pas rapidement aller rendre visite à une personne que je n'ai pas encore introduit, mais que tu connais, pour lui proposer tout simplement de venir avec moi. Ok. Ok. parfait. Eh bien, tu sais qu'à cette heure-là, elle doit être à son travail. Hein. Et donc, tu te rends vers la demeure de ce qui tu sais la dernière fois que tu es parti la voir, ce qui commence à dater quand même, est normalement un noble du concerne de la Défense de Venise. Tu vas donc te rendre à ce que tu penses être sa demeure. Et tu vas tout simplement aller t'y présenter. Assez rapidement, un homme vient t'ouvrir, hein, et il s'agit d'un homme un peu boiteux qui te regarde un peu mal, et quand tu lui demandes si Charline est là, il te répondra que oui. Et il la fera venir à toi. Charline, donc, arrive, donc... toute un peu surprise de te voir, faut dire qu'elle n'espérait plus. Et ça se voit sur son visage, hein, c'est-à-dire que y a à la fois de la joie et en même temps du « Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi maintenant ? Que fais-tu là, Cornilov ?» qui se lit clairement sur son visage. Et... Je sais qui c'est, mon dieu. elle arrive. Cornilov, salut. Charline. Et je vais aller directement pour aller la prendre dans mes bras. Ok, tu vois qu'elle accepte... Putain, c'est vrai, putain, je l'ai oublié. Enfin, l'accolade. Elle accepte l'accolade. À tout le rang, ça la réconforte même. Ah, j'ai bien cru que t'avais fini par m'oublier. Jamais, jamais de la vie. Alors, je vais pas te déranger plus que ça pendant que tu travailles, mais... ce soir, Bard Hurleur. C'est pas trop dans mes fréquentations, tu es sûr ? Oui, t'inquiète pas, c'est une soirée spéciale. D'accord, alors j'y serai. Tu y seras, hein ? Ah oui, je serai là. Ah. Ok, merci. Voilà. Et habille-toi bien. Ah, chouette. Je sais pas ce que tu me réserves, mais ça me fait plaisir. Très bien. Je te vois ce soir, du coup. Pendant l'antidiscussion, je me retourne vers Hugo et je me fais... Il aurait pas fréquenté le milieu du théâtre pendant un temps, notre cher Cornilov. Ok. Vraiment très rapide passage. Ah oui, très rapide. Et donc, on va pouvoir passer au soir. Après tout ça, après que Cornilov ait donc décidé de bien s'habiller et de inviter Charline, eh bien, vous vous rendez tous les trois, normalement bientôt rejoints par une quatrième personne, au bar du Hurleur. Le soir, le soleil, oui, commence à se coucher. Et le bar du Hurleur est très agité. Vous n'êtes même pas encore entré dedans qu'il y a déjà un bruit assez festif. Ça a l'air plutôt joyeux, ce qui n'est pas vraiment l'ambiance du bar du Hurleur qui est d'habitude assez calme. Et à vrai dire, peu euphorique, peu joyeux. C'est pas vraiment le bar où on va si on a besoin d'un remontant, mis à part d'autres gens qui sont aussi dans un état plutôt négatif. Mais là, ça a l'air d'être le cas. Charline n'est pas encore arrivée. Est-ce que Cornelius, tu décides de l'attendre dehors et du coup vous attendez pour rentrer, ou est-ce que vous commencez à rentrer et elle arrivera quand elle arrivera? Moi, je suis partisan de l'attendre quand même, parce qu'une entrée, ça se fait bien. Ok. Je suppose que tes amis acceptent, hein, ta demande d'attendre. Je comprends, bien sûr. Quelques... Un petit quart d'heure plus tard, Charline finit par arriver. Est-ce que Cornilov, Kemao, du coup, Cornilov, décrire un peu physiquement cette Charline, hein, pour tes fameux amis qui la voient pour la première fois? En effet. Mes chers compagnons, donc, se retrouve donc face à une jeune demoiselle qui a l'air d'être dans la vingtaine, qui est une jeune blonde qui, de par son teint et son aspect physique, a l'air de venir de, il faut que je retrouve ma carte, d'Istanie. Voilà. Donc le sud. Et voilà, et après, pour ce qu'elle a tenu, j'en sais rien, vu que je sais pas ce qu'elle a amené. Eh ben, elle va ramener une petite robe plutôt bien habillée. Elle a accepté tout simplement ce que tu lui as dit, donc de venir vraiment bien habillée. Donc un joli maquillage, une jolie robe. Bref, elle pourrait presque rentrer dans une soirée de la haute. Je dis bien presque parce qu'il manque quelques ornements bien riches, mais en termes de style, ça serait tout à fait accepté. Elle arrive et tu vois que quand elle t'aperçoit au coin de la rue et qu'elle marche du coup pour vous rejoindre, elle peut pas s'empêcher de... Enfin, elle essaye de coincer un petit sourire de satisfaction de te voir, Kornilov. Et elle arrive à toi et elle est toute heureuse. Elle vous salue d'ailleurs, Hugo et Esther. Oh, mes hommages. Monsieur, madame, je suppose que Kornilov, tu fais les présentations. Évidemment, je leur fais l'habituel. Charline, Esther, Charline, Hugo. Hugo, Charline, Esther, Charline. Enchanté. Enchanté, ravi de vous rencontrer. Voilà. Je précise pour Charline, du coup, ce sont mes collègues. Ah, d'accord. Et vous êtes Charline, je suis. On peut dire. La compagne de Kornilov. Bien sûr. Ouais, je tapote un peu ma pipe en regardant mes compagnons. Pardon. Donc vous rentrez au bar du roller. Après, c'est bien sûr qu'il ne sera pas du tout relevé par par Charline. Vous rentrez, effectivement, l'ambiance est méga festive. Alors c'est pas non plus, on n'est pas dans la scène Seigneur des Anneaux avec les hobbits qui dansent, etc. Mais c'est quand même super joyeux, ça parle. Et surtout, y a un peu tout le monde. Y a Oleg, y a aussi Rolando et tout un peu les autres gens que vous avez l'habitude de croiser dans ce bar. Voilà, c'est tout simplement la joie, le partage. Et quand vous rentrez, Oleg se tourne et ouvre grand ses bras en disant « Ah, enfin mes invités d'honneur !» Et là, il se déplace du coup vers vous. Au moins je fais un petit « Oleg !» Tu vois que il te propose une accolade, Kornilov. Que j'accepte. Et les autres, ils vous serrent très respectueusement la main. Sont propres, j'espère. Parfaitement propre. Ah, tu es face à un chef de... Ah, je suis heureux que tu aies pu venir. Je suis désolé, mais... Je t'ai envoyé un messager il y a quelques jours, mais il n'y avait personne chez vous, donc il a fallu que je renvoie un autre. Tu me coûtes une blinde, en fait, à contacter. Hein. Les gens incroyables sont difficiles d'accès. C'est bien vrai. Et puis, c'est aussi tout un plaisir de vous revoir, vous deux. C'est vrai que nous sommes... assez peu reparlé depuis la dernière fois, mais c'est toujours un plaisir que j'ai de vous accueillir. Bien, dites-moi, que voulez-vous boire Un pichet d'absinthe. Pour plusieurs, et plusieurs verres. Ah ouais, allez vous installer, je m'en occupe personnellement, parce que ce soir est un grand soir. Je vous laisse vous installer. que je connais. Oui, bien. Tout à fait. Ne faites pas attention à ce petit Roy qui m'a échappé. C'est une expression lansquaise quand on est heureux. Exactement, quand tu connais bien. Mon Dieu. Bref, la soirée du coup commence à se passer tout simplement. Lorsque tout le monde semble être arrivé, etc. Tout simplement, Oleg va l'interpréter. Et va l'interpréter. Oula, excusez-moi, je lis mes messages en même temps et du coup. Mon Dieu. Bref, excusez-moi, je reprends. Oleg, en fait, du coup, ce début de soirée va, une fois que tout le monde est installé, seulement porter un toast et expliquer un peu la raison de cette petite fête et comment dire. Mes amis, sachez qu'aujourd'hui est une journée très spéciale. Voyez-vous, il y a quelques teintes de cela. J'ai fait appel à mes trois amis ici présents et ils indiquent votre table du doigt. Remarquez d'ailleurs qu'il n'a pas du tout calculé une seule fois Charline depuis le début de la soirée. Et pardon, quand il indique de votre table, il parle de ses trois amis. Eh bien, je les avais contactés parce que, voyez-vous, nous avons quelques doutes sur le fait que Trudy Siri, vous n'êtes pas sans savoir, avait vécu un petit... contre-coup de concurrents. Ces derniers se sont enquêtés et ont même... on peut dire magnifiquement casser la gueule de l'un d'entre eux. Et si aujourd'hui je vous réunis, c'est qu'il y a quelques jours, eh bien, Flamingo a décidé de nous vendre ses distilleries. Un prix, ma foi, tout à fait respectable pour la guilde que nous sommes. Et donc, grâce à nos amis, mes trois amis, sur qui je peux absolument compter, la distillerie du Roller vient encore de s'agrandir et donc peut faire couler à flot absinthe, bière, et même maintenant... du rhum. Donc voyez-vous, c'est pour cela que je porte un toast à mes amis, que je leur dis que c'est avec plaisir de faire affaire avec vous et que vous pourrez toujours compter sur moi le jour où vous aurez besoin d'un service. Mis à part Cornilov, n'oublie pas que tu m'en dois déjà pas mal. Mais bon, je reste quand même très ouvert si tu as besoin d'aide. D'ailleurs, pendant qu'il parle, je donne un petit coup de coude à Cornilov et je lui dis en fait, il sait que t'es métropolite. Je sais pas, je pense que oui. Et je ne l'oublierai pas. Tu vois qu'il rigole. Ah, voyez, c'est ça que j'aime, la fraternité et la fidélité. Une loyauté, je pense, d'une grande amitié sincère. Il lève son verre et dit un mot en lansquais pour que tout le monde fasse un petit cul sec avec le contenu de leur verre. Alright. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha un petit alright qui permet à ce que tout le monde voit le verre après avoir répété ce petit alright. Et la soirée va donc se dérouler. Je voulais un peu savoir du coup comment vous vivez un peu cette soirée, surtout d'abord du point de vue d'Esther et d'Hugo. Est-ce que vous jouez le jeu, vous profitez quand même du moment pour dire bon, il y a une bonne ambiance, on t'en profiter et passer une meilleure soirée possible, ou est-ce que bon, voilà, il y a quand même du jeu. Esther, Hugo, je sais pas qui veut commencer, mais dites-moi tout un peu comment vous le vivez. Je sais pas, c'est étonnant comme situation. Ça déteint pas mal avec ce qui s'est passé il y a pas si longtemps que ça. Ça fait une espèce de coupure un bon moment hors du temps par rapport à ce dont on a l'habitude, surtout que là on est finalement félicité. Je sais pas comment c'est un étant. Si je suis curieuse du coup de tenter les différentes choses dont ils nous ont parlé, parce que j'imagine que nous on n'a à peu près jamais bu de rhum de notre vie par exemple. On avait commencé de l'absinthe par un flex, du coup j'ai bien envie d'aller tenter deux, trois autres trucs. Ouais, tout à fait. Ça te permet de goûter d'autres alcools. Hein. Qui sont soit réservés aux personnes normalement très riches, soit qui sont assez difficiles à se procurer. Moi, mon jeu au bar, je dis c'est pour Cornilov. Ah bah, de toute façon, Oleg vous dira que cette soirée est offerte par la maison. C'est un peu la... Comme en fait, votre mission a eu finalement une plus longue retombée que prévu, bah, vous avez droit à une soirée à volonté. Est-ce qu'il y a des tests de volonté dans les crimes? Alors, pas vraiment, mais c'est pourquoi? Parce qu'on a dit que j'étais plus ou moins censé aller me battre dans pas longtemps. Oui, tout à fait. Mais bon, en même temps, il y a beaucoup de pression ces derniers jours au travail, donc j'aimerais savoir si Esther se retient pas de se mettre une énorme murge. Et est-ce qu'elle va faire son premier combat complètement bourré? Alors, attends. Si tu veux faire ça... Je veux faire un test pour ça, je veux pas le faire en RP. Ah non, je suis d'accord pour un test, faut faire ça. Oh. tu peux faire un test, si tu veux, de traumatologie. C'est un peu ce qui touche à ce truc-là dans le mental. Parfait. Alors, attends, du coup, réussite, tu bois pas. Échec, tu te mets une grosse murge, c'est ça. Ok. Ouais, je le vois plus comme ça. Je ne dépense pas de moins de XP pour... Oh, j'ai fait 2 et 1. Le roleplay l'a dit. Notre seigneur aléatoire vient de le dire. Que les stats soient liées, ça louait. Comme on dit dans le monde des crimes, il semblerait que Esther doit se mettre une grosse murge. Donc Esther, ce soir, tu vas profiter. Quand il t'a dit c'est offert par la maison, ton cerveau il a fait ok. J'ai donc une mission. Dieu roi de la bière, vous avez dit. Ok, alors ça va être marrant du coup de savoir si tu maintiens ou pas ce que tu avais prévu après. Mais en tout cas, toi la soirée même, tu vas vraiment en profiter, ça va être génial. Tu vas vraiment en profiter. Hugo, toi du coup, comment tu vis un peu cette soirée? Dis-moi tout. Bien, Hugo. Et je tiens à dire que j'ai pris cette décision avant que quelconque. Avant que même tout ce qui vient de se passer vienne d'arriver. Et bien, il va faire étonnamment preuve d'une très grande modération. Oui, je ne plaisante pas, parce que on est dans une période de crise, une période de combat. L'homme qui va se contenter d'un petit verre de rhum, parce que comme vous goûtez, ben, c'est un peu exotique, on va dire, il ne manquera pas de poser quelques questions, notamment c'est un alcool à base de quoi, et il ne va pas se mettre murge, et voilà, il va faire preuve de discipline, voilà, et juger. Non, je plaisante. On compte plus le nombre de fois où on va dire que je pensais ça passe. Mais voilà. Tu vas pouvoir assister à des scènes incroyables comme. Là, vraiment, du coup, franchement, j'ai fait 2-1, hein. J'ai fait le deuxième pire jet possible, vraiment, donc tu vas assister à des scènes incroyables, comme, du coup, vraiment, le cliché de la personne bourrée au bar, qui, bon, heureusement, personne n'écoute, et heureusement, elle bugle, enfin... Ouais, je vais pas non plus hurler dans le bar, tu vois, mais je me mêle à sa population qui est dans son propre univers et je me mets à parler de trucs totalement interdits et défendus de type en plein milieu d'un vive Venise, vive les artistes. Et je l'emmerde, il procédit bientôt. Mais du coup, vu que c'est mélangé dans tout un flot de trucs, et ce sont personne n'écoute, à part d'autres gens qui sont dans le même état, personne ne notera. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des moments où tu dis, bordel de merde. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Heureusement, j'ai pas fait double A, ce qu'il a fait. Je lancer tout à tout le monde. L'état de manquette, on avait torturé un type. On était tous des. Merde, des métropolites. J'en permets de. Ok. Incroyable soirée du côté d'Esther. Soirée modérée du côté d'Hugo. Ce qui est pas plus mal. La pression peut-être est complètement relâchée. Ça fait du bien pour le mental d'Esther. Elle aura sûrement un blackout, ça se souviendra pas de son combat ni rien, mais au moins. Demain matin, ça se sentira peut-être mieux. Sûrement, elle va gagner. On va voir. En tout cas, nous allons venir avec Cornilov. Parce que Cornilov, toi qui voulais passer une soirée. Dis-moi, tu partais dans quel mood pour la soirée? Comment tu voulais un peu le vivre? Alors, je partais quand même dans l'idée d'en profiter. En réalité, quand Kornilov a reçu ce message, enfin Kornilov Hugo a reçu ce message, le Kornilov, ami de Kornilov, s'est dit quand même, merde, c'est le moment où pour tout ce que j'ai demandé, il va me demander quelque chose. Au final, ça n'a pas l'air d'être le cas, en tout cas pas aussi ouvertement que... Donc là, Kornilov, il se détend, il dit quand même, je vais en profiter. En plus, c'est une fête en mon honneur, enfin en notre honneur, mais en mon honneur. Donc Kornilov est dans son élément, là, tout le monde a un sens, c'est un héros. Donc il va en profiter, il va boire, mais il va pas se bourrer la gueule non plus comme Esther, mais genre il va boire quand même un peu pour fêter ça. Et il va discuter un peu par là. S'il y a Rolando qui est dans le coin aussi, il va plaisanter avec Rolando de manière sûrement la plus humaine que Rolando lui ait jamais vu parler avec lui. Mais moi j'ai quelque chose quand même qui m'intéresse particulièrement, c'est est-ce que dans cette fête il n'y a pas seulement Oleg, mais est-ce qu'il y a aussi Olga? Eh bien, c'est parfaitement de ça que je voulais parler. Ah yes. Parce je veux que... juste dire un petit truc. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Pour le moment que Cornelov du coup va faire affaire avec Oleg, le gars, il va quand même y avoir un moment où Esther, après avoir bu, on va dire après s'être posée pendant quelques minutes, avoir bu quelques verres d'eau, va tourner la tête jusqu'en direction de Charline, qu'elle retrouve toute seule au milieu de la pièce et qui se dit que ça pourrait être une bonne idée d'aller parler. Là-dessus, je vous laisse à vos affaires. Ok. Tout à fait, parce qu'en fait, justement, très rapidement, en fait, Olga va venir te voir, Kornilov, toute heureuse, toute contente de te rencontrer de nouveau. Et tout simplement, va commencer à vouloir échanger avec toi. Du coup, je voulais savoir un peu déjà comment toi tu le... Sachant que tu as invité Charline, comment tu le vis? Est-ce que tu es en mode ok, pas de soucis, on discute? Ou tu es en mode oh, bah non, j'ai quand même invité une personne. Après, visiblement, dès que tu vas te lever, Esther va faire attends. Mais dis-moi. Dans le mode. Ouais. Alors, je reste comme la plupart du temps. Ouais. La plupart du temps, je reste quand même aux côtés de Charline. Et justement, avant d'aller vers Olga, qui est présente, si j'ai bien compris. Ouais. Et que j'ai vu. Ouais. Je vais, avant même d'aller vers elle, je vais regarder quand même. Je vais essayer d'utiliser mes techniques corniloviennes pour en gros analyser ce qu'a l'air de penser Olga au moment, tu vois, c'est genre où je fais une collade plus sympathique qu'une autre à Charline, ce genre de choses. Ok, tu vas me faire s'il te plaît un jet, c'est incroyable, on fait des jets ce soir. Hein. Notez-le. Tu vas me faire s'il te plaît un jet de... c'est compliqué, ça c'est le genre de truc... quoi qu'il arrive, tu observes et c'est surtout pour voir en fait à quel point tu vas... pouvoir voir quelques détails ou pas, J'ai envie de dire traumatologie, mais on va pas faire le même jet à jeu de 4. Si, bon, allez, traumatologie, hein, je pense que c'est le plus évident pour ça. Tu peux dépenser de l'XP si tu veux, t'en as 40 milliards. Ah. Donc ça fait 6. Ok. Eh bien, tu vas observer, tu as un peu du mal à analyser vraiment ce qu'elle pense, tu vois, genre, Corniof, tu es bon pour manipuler, mais t'es pas non plus un grand analyste non plus, pour rappeler un peu tes faits d'armes, mais souvent tu vas très tu vas très au feeling, c'est-à-dire que Rolando, tu l'avais pas particulièrement analysé au moment où tu as manipulé. C'est pareil pour Oleg, tu n'avais aucune idée de comment ça allait tourner. C'est pas vraiment ton domaine non plus de prédiction, le fait de vraiment percevoir directement la personne, t'es pas non plus. Tu t'en sors bien. C'est vrai que Cornelius s'en sort bien, mais voilà, c'est quand même pas non plus ta spécialité. Toi, tu sais vraiment manipuler avec des mots et un comportement. Par contre, tu remarques Olga te lâche pas du regard et. Et tu sens particulièrement dans ce moment-là. Eh bien, honnêtement, ça me suffit justement parce que de toute manière que je m'en rende compte ou pas, je sais que s'il y a quelque chose, l'effet est lancé. Donc c'est à ces moments-là, tout simplement, où je vais lentement m'écarter de Charline pour aller vers Olga, et bon, sûrement Esther après qui va prendre la suite avec Charline. Et où je vais aller à la rencontre de Olga directement. Ok. Tu vas à la rencontre d'Olga. Esther, elle se... quelques minutes après que tu sois levé, elle va aller voir Charline qui est un peu seule malheureusement. Et quand t'arrives au niveau d'Olga, tu vois qu'elle te salue, souriante, mais pas l'air non plus d'être 100% de bonne humeur, tu vois, genre, salut. Et bien, je vais dire, salutations, ça fait un moment, dis donc. Ouais, oui, j'aurais aimé te voir plus souvent, mais tu passes pas énormément non plus. Oh, je suis un homme occupé, mais... Oui, j'ai vu ça. Ça peut bon, s'arranger. Ah. Oui, oui. Eh bien, je suis quand même très contente de toi. Tu vois que quand elle dit ça, tu vois, il y a le côté un peu boudeur qui disparaît immédiatement. Tu vois, là, je suis quand même très contente de te voir. Et puis, essayer de converser. Toi, comment tu essaies de mener un peu la conversation concrètement? Oh, j'essaye de l'amener. J'essaye de l'amener, genre, insouciant. C'est-à-dire, genre, que je me rends pas compte spécialement de ce qui est en train de se passer. Même si en réalité, je crois bien comprendre ce qui est en train de se passer. Mais je le fais, tu vois, genre, voilà, je comprends même pas officiellement ces insinuations, tu vois. Ouais, c'est, tu fais vraiment l'ignorance, ok. Ok. C'est ça. Après, je la joue quand même sympa. Je lui propose d'aller lui chercher un verre si elle veut continuer à boire un peu, etc. Ok. Bah, parfait. Bah, tu vois qu'elle accepte et. Et du coup, pour résumer un peu pour la soirée, parce que c'est déjà 23h, bah, tu vois qu'elle va te partir pour vachement discuter, mais vraiment, tu vois, genre très sincèrement. Justement, bah, dans la soirée, est-ce que tu vas du coup bah, jouer le jeu et continuer à discuter avec elle ou. Est-ce qu'à un moment tu vas dire bon bah je retourne auprès de Charline, j'ai besoin de savoir. Ok. Non, je vais continuer jusqu'à la fin de la soirée. Je pense même officiellement pour de vrai, je pense que Kornilov a dit d'accord. Et Charline dans son jeu. Ok. C'est noté. Esther, toi, de tout ton côté, que fais-tu avec Charline? Dis-moi un peu ce qu'elle est. Comme dit, je la vois quand même, c'est après avoir bu quelques verres d'eau et avoir évité quand même l'alcool quelques... Bon, même si, voilà, Esther s'est lâchée. Mm-hmm. Bon, ça va, quoi. Non plus, donc, j'imagine qu'au moment j'y vais, donc, l'alcool est toujours là, mais bon, voilà, c'est un petit peu calmé. Donc, j'ai plus la démarche de la personne qui a un peu bu et qui essaie de le cacher. Donc, on voit qu'elle tient un peu en place, mais qui est suffisamment consciente pour quand même essayer de faire comme. Oui. Tu arrêtes de crier Procemento, je l'emmerde. Quoi. Ouais, c'est ça. On n'en est plus là sur ce stade-là. Et du coup, je vais simplement la voir, sans m'introduire plus que ça, parce que de toute façon, voilà, c'est qui je suis, je vais simplement lancer la discussion comme si c'était parfaitement normal et... je veux dire... Bon, du coup, au moins, ce que ça se passe avec Kornilov. Non. Ça se passe bien, mais... Disons que depuis qu'il vous a rejoint... je le vois beaucoup moins qu'avant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de travail, hein. Et puis, il faut avouer que c'est quelqu'un aussi de très pointilleux et assidu au boulot. Et comme ça, donc, je commence la discussion. Je suis tenté, en fait, moi, surtout ce qui m'intéresse, c'est de gratter 2-3 informations sur ce qu'elle sait ou pas. Vous savez que c'est quelqu'un de très occupé dans sa vie en dehors aussi, n'est-ce pas? C'est-à-dire en dehors... Bon, vous voyez de quoi je veux parler. S'il y a trois choses, les trois piliers de la vie de Kornilov, c'est le travail, vous sans aucun doute, et enfin... tous les entraînements qu'il a quotidiennement, que ce soit au tir ou même, je dirais, cet entraînement physique. Enfin, regardez-le quand même, il est plutôt sportif pour son âge, c'est pas n'importe qui en serait là. On est d'accord, elle avait pas une once d'inspiration au moment où je disais ça, elle avait rien à dire. Non, tu vois que... Oui, d'accord. À ce moment-là, je me tourne vite fait vers Kornilov, je regarde, je suis le salaud. et non, tu vois, genre, elle fait oui, non, mais c'est vrai, et puis vous avez raison, il est très très occupé. Et ça, si je dois expliquer cela, mais moi c'est juste que j'aimerais des fois le voir plus souvent. je vois que... Vous avez déjà essayé d'en parler avec lui? Quand il est venu me voir tout à l'heure, mais... Faut dire qu'il était occupé, il est venu me chercher et il est reparti aussi vite. Un vrai fantôme. Ouais, c'est vrai, surtout... Moi, j'imagine qu'il ne vous raconte pas en détail les affaires sur lesquelles on travaille, mais en ce moment, c'est particulièrement important. Oui, je comprends, c'est... Je comprends, il fait ça pour me protéger, ouais. Mais... Des fois, c'est pas facile. Et puis là, encore une fois, c'est l'alcool qui parle. Je vais faire une petite blague à la Esther. Bon, vous savez, je pourrais bien vous raconter, mais je vais vous jeter dans les crimes après. Ah. Tu vois que elle te regarde, Seb, avec deux yeux ronds de... Attends, c'est une blague, pas une blague. Et puis quand tu fais le petit rire forcé, elle fait... Ah. Vous prendrez bien un verre. Oh oui, avec plaisir. Puis bon, on va pas faire la conversation entière, mais je vais dans l'idée, je vais quand même voilà essayer de d'être assez convivial et d'aborder plein de choses. Si je peux en apprendre même un peu sur Cornelov, ça me fait plaisir. Mais on est vraiment presque dans le plus dans le potin que, ouais. Qu'autre chose. L'idée c'est de. Et puis bon, voilà, de s'occuper un peu quoi. C'est un peu difficile d'avoir. Je te résume un peu ce que tu vas avoir. Avoir du potin, ce que tu sens vraiment ouais. Que sa relation avec Cornelov, elle le vit comme ouais. Le grand amour, mais de ce que tu comprends par les faits. Ça a pas l'air d'être vraiment réciproque. À chaque fois qu'elle me dit des trucs dans ce genre-là, c'est je regarde mes yeux se perdent dans mon verre et puis je reprends une gorgée. Je lui dis oh mais faut pas vous en faire, vous savez. Mais pour le coup, elle, tu sens vraiment que. Genre, elle te raconte des choses, elle, oui, mais c'est normal parce qu'il est occupé, parce qu'il est métropolite, etc. Oui. Mais qu'elle a pas tu vois, genre, il suffirait que tu lui dises clairement ce qui se passe et peut-être okay. Tout changerait dans. Bah, au début, je joue le jeu de Cornelia, mais plus t'en passes, tu sais, plus je mets des pincettes quand même dans ce que je dis au début, c'est oui, bah, vous savez, là, début de travail, il y a beaucoup de travail. Puis après, c'est. Oh, mais en même temps, peut-être que des fois, c'est parce qu'il doit être occupé. Il commence à mettre du conditionnel et tout. Ouais. Et du coup, ouais, c'est un niveau potin. Bon, après, tu peux en avoir quelques-uns sur des. De toute façon, je force voilà. Jamais vraiment ouais. Le truc. Voilà, c'est jamais forcé. Ouais, voilà. Il y a une conversation sur laquelle je vais quand même m'attarder deux secondes. Ouais. C'est vis-à-vis de Cornelov. Cornelov, alors que tu passes la soirée avec Olga, etc., tu seras juste interrompu pendant 5-10 minutes pour une autre conversation où c'est Oleg qui va t'appeler. Il va demander de parler en privé. Ouais. Et il va tout simplement te demander de le rejoindre juste devant le bar à l'extérieur. Bah, je vais sortir et je vais directement m'allumer ma petite pipe à côté de lui. Tu vois que... Il t'offre un verre qu'il avait dans la main, il est sorti avec les deux verres presque par automatisme, comme c'est maintenant c'est avec Cornelov, il faut qu'on discute quand il y a un verre chacun. Évidemment. Et tu le sens un peu bizarre parce qu'il lance pas tout de suite la conversation et tu le sens un peu différent. Tu vois, genre il regarde son verre et puis il prend une grande inspiration. Fait bon. Karnilov, tu sais que. Je suis très content de t'avoir rencontré il y a quelques teintes de ça. De même. Et tu sais, dans l'activité des hurleurs là, celle qui consiste pas à fabriquer des boissons alcoolisées. Comment ça se passait des choses un peu compliquées. Pour l'instant ça va, hein, rassure-toi. Mais disons que peut-être un jour, je serai amené à te demander le fameux service que tu me dois. Évidemment. Vu que tu saches que je sais que cette activité-là n'est pas la plus... Surtout pour toi, tu es quelqu'un de bien, Kornilov, et... Et je sais ce que tu fais de comme réel emploi, donc je sais que, mon Dieu, tu pourrais me dévaster autant que tu m'as ramené ces derniers temps. Mais je veux juste que tu saches que ce que je vais te demander... sera peut-être un peu compliqué, mais tu seras toujours en mesure de... Je t'écouterai, quoi. Ce ne sera jamais un ordre absolu. Je sais pas encore ce qu'il en est, si ça prouve même, je te contacterai jamais, hein, mais... disons, pour l'instant, c'est un peu compliqué que tu aies... de ton métier, pour l'instant peut-être la seule personne qui pourrait vraiment m'aider si jamais les choses se confirment être trop compliquées. Écoute, soleil, là je vais mettre en face de lui, tu vois, si je vais faire un petit pour aller en face de lui et je vais l'oser. Je vais poser, mais les mains, c'est comme ça sur les côtés, c'est il est plus large que ça, mais genre comme ça, tu vois, c'est de manière très sincère. Et je vais lui dire, quoi qu'il en soit, quoi que tu me demandes ou que tu me demanderas, je serai là pour toi. Parce que la relation qu'on a compte pour moi. Tu vois que il se riffe et il te prend en accolade, tu vois, genre... et il fait, tu vois, c'est à ça qu'on connaît un vrai Lansquet. Ils ont un cœur que les autres n'ont pas. Je veux juste approuver, puis... Ouais, puis après, histoire de redétendre, tu discuteras genre 2-3 minutes, tu sais, pour en discussion un peu plus classique, pour... quand même finir sur une note tu sais, genre normale et repasser au mood de la soirée et il finira par te laisser finir la soirée avec Olga. Nous reviendrons sur tout ça. Puisque j'aimerais terminer cette session au moins sur un événement. C'est l'après-soirée. On discutera entre les deux sessions un peu ce qui se passe dans les finalités un peu pour chacun. Notamment une qui m'intéresse, ou si on a le temps, on en discutera juste peut-être pour conclure la session. Enfin, non, en fait, c'est quoi, je le fais maintenant. Du coup, tu as joué le jeu un peu d'Olga, etc., dans la discussion, même en jouant la naïveté. Du coup, enfin, ouais, la question c'est que. Je sais pas, parce que j'ai pas plus approfondi le truc, mais si jamais tu joues la naïveté jusqu'au bout, ou si tu sens vraiment qu'à un moment, tu vois, genre, si tu joues un peu vraiment le jeu, et que elle la joue un peu, tu vois, genre, commence à jouer un peu drague, est-ce que tu rentres du coup dans le jeu de la drague, ou tu continues à jouer le jeu de juste on discute et... Et je reste naïf. Alors, si je commence à jouer le jeu de la drague, je vais rentrer dans le jeu, mais toujours de manière quand même assez subtile, tu vois. Je vais pas y aller aussi ouvertement. Tu vois, en gros, dans l'idée, je veux garder le mystère si je suis vraiment libre. Ou pas. Ok. Bon. Le jet de dé a décidé. Donc, elle tentera, tu vois, une petite approche, mais tu vois, pas genre l'approche en mode on va finir la nuit ensemble, mais l'approche de est-ce que Cornilla pourrait t'intéresser, tu vois. Donc, comme tu vas jouer le jeu, ça va l'encourager, mais comme tu maintiens le mystère. Ça va quand même poser des petites questions. On va passer en tout cas à l'après-soirée, et surtout à Esther. Esther, tu sors de là, il doit être facilement 2h du matin à peu près, le temps que vraiment les trucs s'arrêtent, et tu sais que ça correspond plus ou moins... aux heures où commence le combat, parce que on t'a recontacté. Alors c'est vrai que on l'a pas fait en session, mais vu les dates sont passées, on va considérer que c'est passé, donc ouais, on t'a recontacté et on t'a simplement dit en gros de venir entre 3h et 6h du matin dans les très basses villes ta. Et en gros, selon le quartier où tu vis, il te donne. Ils t'ont demandé dans quel quartier tu voulais, parce que ils ont des contacts en fait par rapport à là où tu vis, parce qu'il existe plusieurs clubs un peu ici. Et du coup, pour savoir, est-ce que tu as pris le quartier sud, c'est-à-dire là où il y a ta maison habituellement, et là où se situe votre QG, ou est-ce que tu as pris un autre quartier pour peut-être espacer ta vie à toi et... Je vais peut-être prendre un, mais juste à côté, de toute façon, je passe régulièrement dans des quartiers différents. Mais là, ça m'arrange parce que ça me permet de faire un crochet par chez moi et d'aller récupérer ma tenue de combat. Parce que pour rappel, j'ai pas envie d'être reconnu. Et je veux pas qu'on voit que j'ai un bras en métal. Parce que ça revient un peu pareil. Ok, très bien. Donc en fait, tu as demandé un point de rencontre qui est assez quand même éloigné, histoire qu'on fasse pas de lien direct, tu vois, genre qu'on... que tu puisses faire des crochets, des trajets, ou voilà, si quelqu'un te suit, il sache directement où t'habites, ou où se situe votre QG, quoi. Tu vas faire un détour, tu vas prendre ta tenue de combat, est-ce que tu peux la décrire, Vitaf, comment tu l'as conçue Bien sûr. Alors, il fallait qu'elle soit quand même relativement maniable, dans le sens où il faut que je sois à l'aise à l'intérieur. Du coup, j'ai évité tous les trucs superflus de type cap, etc., qui feraient que m'encombrer. Malgré tout, je l'ai prévu de manière assez serrée, par exemple, notamment au niveau de la poitrine, ce qui permettrait d'aider, par exemple, à cacher mes formes et avoir un truc. Alors bon, c'est pas... l'idée n'est pas forcément non plus qu'on ne puisse pas du tout savoir si je suis un homme ou une femme. Mais bon, si je peux entretenir un peu le mystère, c'est pas plus mal. Et donc, sinon, au niveau de la, voilà, de la texture, donc j'ai pris des trucs un peu sympas quand même. J'ai pris des matériaux à certains endroits un peu classe, d'autres un petit peu moins. J'ai évité quand même tout appartenant, enfin, tout ce qui pourrait évoquer évidemment les métropolites, etc. En fait, l'idée, c'est que ça pourrait être confectionné à la fois par quelqu'un de la haute ou de la basse société. Soit quelqu'un de la haute qui se ferait pas trop attention, soit quelqu'un de la basse qui aurait récupéré deux, trois trucs un peu... avec un peu de valeur. Et évidemment, le clou du spectacle reste le masque, du coup, qui sert à cacher mon visage et qui est très fortement inspiré des souvenirs que j'ai du masque de Il Procedimento. Incroyable.